J'ai mis des mots sur un cahier, j'ai mis des mots que j'ai triés, j'espérais bien me faire griller. J'ai mis des mots que j'ai criés, j'ai mis des mots dans vos oreilles ou des émotions, c'est pareil dans vos théâtres et vos enceintes. J'ai mis des mots comme une empreinte, j'ai mis des mots un peu partout, redistribués au coup par coup. Je sais même plus où je les ai mis. J'ai mis des mots, j'ai pas gémi, j'ai mis des mots, mais jamais trop. Dans un métro, dans un micro, j'ai mis des mots, j'ai eu les crocs, des mots nouveaux, des mots rétro. J'ai mis des mots pour compenser, j'ai pas le destin compensé, mais en passant sur le passé, on peut tracer sans effacer. J'ai mis des mots, j'ai pas médit, j'ai mis des dos, j'ai mis des mi, des mots entiers, pas des demi. J'ai mis des mots de Saint-Denis, j'ai mis des mots que j'ai couvés, j'ai tenté de les faire grouver sans entraver, rien à prouver, sans en baver. Tout à trouver, les mots vont vite, faut qu'on s'accroche. J'ai pris le tempo à l'accroche, c'est pas pour me remplir les poches, car tous ces mots c'est pour mes proches. Bonjour à tous, le collectif des radios locales vosgiennes regroupe Résonance FM, Radio des Ballons, Cristal, Radio Bellevue, RCM, Cocktail FM et Radio Guimauzo. Vous êtes à l'écoute d'une de ces radios et nous vous proposons la deuxième émission de l'action Slam. Cette fois, ce sont des élèves du lycée Jean Lursa de Bruyères qui proposent leur texte. Vous pouvez voter pour votre préféré en nous envoyant son numéro à l'adresse suivante slam@radioguemozo.eu slam@radioguemozo.eu. Qui que vous soyez, vous pouvez aussi participer en nous faisant parvenir votre slam sur le thème de votre choix en version sonore ou écrite à la même adresse. Voici le texte numéro 1. Il est 8h du mat à l'horloge de mon existence. Je regarde la grosse aiguille et j'imagine son importance. Une fille s'approche de moi. Je la vois une fois tous les mois. Il faut que je prenne confiance en moi. Une fille malheureuse. Qu'essaye d'être heureuse. Destin tragique pour une petite fille fragile. Avenir pathétique. Ou alors dramatique. Fille aux yeux malicieux. Entra dans le milieu. Où les yeux des enfants. S'emplissent peu à peu. Les larmes comblant les creux. Petite fille arrête le jeu. La rue, la drogue, c'est trop dangereux. Et ça fait pas que des heureux. Sans compter qu'on ne vit pas très vieux. Mélissa. Capucine. Numéro 2. Le sexisme. Le rose pour les filles, le bleu pour les garçons, non je ne veux pas de cette ségrégation. Tu sais le sexisme c'est comme le racisme, on vous dicte comment être, comment se comporter, comment penser, ces machos à qui rien ne fait peur, aiment blesser les cœurs. C'est comme l'expression, tu cries comme une fille, si tu pousses un cri aigu t'es une fille, non mais ça va pas ou quoi? Ah, ces femmes que tu croises dans la rue, ce n'est pas parce qu'elles sont en petite tenue qu'il faut les accoster, ni même les siffler et encore moins les violer. Le rose pour les filles, le bleu pour les garçons, non, je ne veux pas de cette ségrégation. C'est pas parce que t'as un pénis qu'il faut que tu nous régisses. Stéréotype publicitaire très inégalitaire et qui oserait être contestataire. Inégalité salariale, à travail égal, non, ce n'est pas normal. Les sports, les loisirs, les activités, tous sont stéréotypés. La danse, les fleurs et la cuisine pour les filles, le foot, les voitures et la mécanique pour les garçons, arrêtez avec ces ségrégations à la con. Nous avons tous le droit à l'égalité, donc s'il te plaît, développe ta maturité, ouvre ton esprit à l'idée de mixité, c'est pas parce que t'as un pénis qu'il faut que tu nous régisses. Jade Barnier. Numéro 3. L'étranger. Je viens ici pour dénoncer les injustices de la société, pleurer les malheureux vieillards qu'on laisse seuls dans le noir à qui la vie est si dure. Mais vous aviez pensé aux Africains, pour qui la vie c'est la fin? En plus, ils meurent pas loin, leur vie bordée de chagrin. Même s'ils essaient de fuir parfois, parce qu'ils travaillent pour rien, errent dans les rues tous gamins, décédés de la guerre, partis au loin parfois. Et chaque jour, je vois des oiseaux de proie qui passent devant notre ère, et les bombes qui s'écrasent sur les toits. Alors je pense à l'éducation et je pense à toi, si loin, en France, dans ton pays, là-bas. Et à tout ce que je pourrais acquérir si j'avais eu comme toi la chance d'être née, là où il y a de la place pour un avenir. Regarde, je t'ai donné toutes mes raisons de partir. Regarde, je t'ai expliqué pourquoi faut pas me haïr. Regarde, tu peux pas me laisser souffrir. Sarah Mouri. Numéro 4. Passion. Devant les belles fleurs du vice, mes défenses s'appauvrissent, faiblissent. Je ne peux résister davantage à ces tentations sauvages. Elles m'appellent, elles m'exhortent à me laisser aller, à leur ouvrir la porte. L'envie devient accablante et violente. Et les fleurs s'illuminent toutes tremblantes. Et la lueur, poussière d'étoiles dans le néant, se transforme en un feu ardent dévorant. Une chaleur effrayante qui m'enivre, une sensation intrayante qui m'exhorte à vivre. L'extase présente là à ma portée, mais si je cède, tout sera terminé, consumé. Tout mon être me le quémande, la nature, les éléments, l'univers me le demande. Je ne peux résister, qui le pourrait, aux belles fleurs du vice, je céderai. Tout devint blanc jusqu'à la fin des temps, devant les belles fleurs du vice, jusqu'à boire la lie du calice, et qu'enfin on en finisse. Wishalaf qui la panne. Numéro 5. Perspective de réalité. C'est quoi ce principe tout explosé de passer une journée assise sur une chaise à faire croire qu'on est à l'aise? Donnez-moi le papier où j'ai signé pour m'ennuyer tant d'années. Tout ça pour un petit avenir qui dans quelques années sera plus qu'un lointain souvenir, quand tu seras dans la rue que t'y croiras plus, avec sur la tempe un revolver braqué. Ah oui, je t'ai pas encore expliqué, toute ta vie tu vas rêver d'un truc que tu pourras jamais réaliser, parce qu'ici t'es dans la réalité. Durant toute ta sombre vie, des personnes plus qualifiées te donneront leur avis et se permettront de te juger. Un conseil, évite-les, ils vont te démoraliser. Si t'es intelligent et cultivé, c'est pas ça qui va t'aider à réussir, à diriger, à gagner un max de blé. Dans une voie que tu connais même pas, avec des gens qui t'aimeront même pas, regarde les bouffons de la TV-réalité. À 27 piges, ils gagnent déjà bien plus que tes parents, tu crois vraiment qu'ils sont intelligents? Non, ils sont juste motivés à pas finir dans un appartement, avec 6 gosses sur le dos, à créer tout le temps. Oui, tu vas te faire juger par tous ces frustrés, t'avais pas encore remarqué, ça se peut même que ça soit par moi. Parce que je passe déjà mon temps à faire ça, je like ou pas. Pourquoi tu viens me parler? À quel moment je t'ai autorisé? Je t'ai jamais aimé, c'est pas aujourd'hui que ça va changer. On est tous identiques, pour la Terre on est des tiques. On la détruit, on se détruit, c'est logique. C'est pourquoi on finira pas au paradis, parce que c'est l'enfer qui nous est promis ici et ça changera rien que t'aies pas dit oui. Bon temps, Léa. Numéro 6. Le corbeau et la colombe. Sombre corbeau. Oh dame colombe, ta douceur me surplombe. Que tu es fort beau, dit la colombe. Mais pourquoi es-tu si seule? Le corbeau se trouva fort dépourvu. Il dit « Je l'ignore. Parfois, c'est ma couleur noire qui, auprès des autres, inspire le désespoir. D'autres fois, c'est le lieu où je vis qui ne donne pas envie. » « Ne donne pas envie, ce si beau tilleul ?»« Oui, c'est un endroit insalubre, pour un pauvre volatile lugubre. »« Lugubre, insalubre, mais pourquoi ?»« Mon aspect paraît fort discourtois. Comment fais-tu pour ne pas être si seul ?» La colombe, étonnée, déclara d'un ton flatteur. Ma beauté, ma blancheur, adoucissent les esprits, qui par habitude sont si aigris. Je suis le symbole de la paix et de la pureté, j'évoque l'amour et la liberté. Ma demeure, de la maison blanche à l'allure, auprès des autres rassure. À cause de ma couleur, reprit le corbeau, je serai donc toujours seul. Manon. Numéro 7. Bande hystérique. Vous provoquez la panique, bande de religieux hystériques. Un jour, faudra m'expliquer ce qui vous pousse à tout faire exploser. Femmes, enfants, personne n'est épargné. Musées, concerts, feux d'artifice, terrasses de café, c'est toujours le lieu approprié. Des gens meurent dans nos bras suite à vos attentats. Tout ça pour suivre un mec vu dans vos livres. Pour lui faire plaisir, vous devez nous faire souffrir. Mais pensez-vous aux innocents, ceux qui sont là au mauvais moment. Pensez-vous aux familles à qui vous enlevez une fille qui n'avait même pas 18 ans. Aux femmes qui perdent leur mari, déjà perdent deux petits. Eux qui voulaient juste profiter d'un concert en buvant une petite bière. Vous ôtez la vie à des frères, à des innocents qui vous ont rien demandé, par peur d'être banni de votre petit clan adoré. Biche Bolena. Numéro 8. Holographique. Je veux pas le costard des politiques, je veux juste leur entailler. Ils ne connaissent pas les vrais aspects de leur métier comme Conrad Murray. La France, ce peuple arc-en-ciel où les couleurs se touchent sans jamais se mélanger. Sur écoute, je me sens aussi russe qu'une élection arrangée. Tu déconnes dans une chambre, tu ne seras jamais président. La plupart des journalistes ont une benne à ordures toute pleine de dents. Les médias s'attaquent à l'ennemi public numéro 1 comme Yves Saint-Laurent. Je veux que le boulevard de la Villette soit rebaptisé Zied et Bouna. Je suis fier et triste quand je vois une marche blanche pour la peau noire d'Adama. Je rêve d'un peuple aussi uni que les sourcils de Calofrida. J'ai l'espoir aussi mort qu'un pêcheur de Gaza. Bienvenue au pays des droits de l'homme où on accueille moins bien les migrants que les ovnis. J'attends le retour de mai 68 et des Anunnaki. Le journal télévisé ressemble à un volcan d'asphalte. C'est jamais les premiers qui jouissent de leur terre comme à Malte. Je vois des cadavres dans l'eau bleue comme à Cobalt. Numéro 9. Le crépuscule ardent au ton chatoyant et le feu de tes yeux au reflet miraculeux. L'astre de feu s'endort, son halo s'évapore, tandis que les ténèbres s'éveillent, laissant place aux nocturnes merveilles. Le chuchotement des arbres tue le silence de marbre dans la nuit d'encre éternelle qui s'envole à tire-d'aile. Car l'éternité ne dure qu'un temps, elle s'enfuit comme un brigand. Les ténèbres de brume s'évaporent, tandis qu'Aurore s'éveille, y déversant toutes ses merveilles. Chloé. Numéro 10. Peut-être qu'il y a une émeute juste devant nos fenêtres. Entendez-vous ceux qui luttent pour pouvoir être? Entendez-vous les sirènes là juste devant nos fenêtres? Quand est-ce que toute cette haine va enfin disparaître? Dans l'espoir de plus beaux jours, là où il n'y a que de l'amour. Dans l'espoir de plus beaux jours, là où il n'y a que de l'amour. Tout commence ici avec l'espoir d'aujourd'hui. Nous aurons peut-être un futur sans aucune blessure. Fanny. Numéro 11. On nous dit quoi faire, on nous dit où aller, on nous force à faire ce qu'on n'a pas rêvé. Les gens se révoltent contre la triste réalité. La société est faite comme ça, nous sommes tous les bouffons du roi. On est soumis face aux plus grands, on peut rien faire à part garder filer le temps. Mais qui nous dicte nos choix? Qui nous dicte nos joies? Le monde, c'est ce qu'on en fera. Qui doit me dire comment j'irai demain? Qui doit me dire où je serai après-demain? Je m'y ferai pas, et c'est mon propre destin. La société est faite comme ça, nous sommes tous les bouffons du roi. On est soumis face aux plus grands, on peut rien faire à part regarder devant. Le temps, la vie, le monde y passe, mais malheureusement, faut qu'on trépasse. Les combats, les guerres, les conflits passent, et tout ça, ça me dépasse. Le monde est fait comme ça, nous resterons les bouffons du roi. On est soumis face aux puissants, on peut rien faire à part aller de l'avant. Peut-on revenir en arrière pour changer les erreurs? Peut-on voir le futur et créer le bonheur? Nous sommes comme ça, nous sommes soumis, nous sommes sans voix face à ces idioties. Numéro 12. Ma chérie, tu sais bien que je t'aime, t'es la femme de ma vie, même s'il m'arrive de te créer quelques problèmes. Si je te conseille de pas te maquiller, c'est pour pas attirer les remarques, les critiques, en général pas très chic. Si je te dis que dans la rue, tu dois porter des lunettes noires, c'est parce que je ne supporte plus qu'un homme croise ton regard. Si je t'interdis de parler à ta famille, c'est pour te protéger, ils t'ont dit de me quitter. Et s'il m'arrive de donner un coup, que ce soit sur le bras, le visage ou dans le cou, c'est parce que tu m'as pas respecté. Souviens-toi, t'as juré de m'aimer. Ballon Mathilde. Numéro 13. L'inceste. C'est l'histoire d'une enfant, si jeune, pour souffrir déjà. Elle avait seulement 8 ans, elle voulait en finir, mettre fin à tout ça. Elle pleurait tous les soirs, se cachait sous ses draps, croyait sa vie finie, mais elle ne comprenait pas ce jeu. Il s'amusait d'elle en corps à corps, ses mains parcouraient son corps. Elle tentait de hurler, mais personne n'entendait. Elle se laissait faire encore et encore. Et chaque jour qui passait, inexorablement, il la surveillait et il revenait sur son corps encore et encore. Mais qui changerait son sort? Berger Mathilde. Numéro 14. Toi, dehors, tu restes là, seul face à un monde qui ne te voit pas. Tu n'es qu'un homme oublié de la vie, un SDF, un sans-abri, un sans-logis. Tu penses désespérément à ta vie et à toutes les personnes que tu envies. Tu es triste, malade et perdu, personne considérée comme exclue. La vie, tellement injuste parfois, pourquoi te laisser là, seul dans le froid? Ne sois pas triste, révolte-toi, contre ce monde, contre ses lois. Cette humanité qui te met de côté, qui te laisse seul face à la société, ne pourra que le regretter. Les larmes que tu as versées, une douceur viendra les réconforter. Prends confiance en toi et avance pour être aimé. Crois en ta propre victoire, relève le défi et abandonne tout désespoir. Toussaint Manon. Numéro 15. Raciste, je jette un pavé dans la mare, car aujourd'hui j'en ai marre d'entendre les politiciens nous prendre tous pour des chiens. La chasse aux sorcières est ouverte, sur la place nous sommes victimes offertes, on nous montre du doigt comme des vrais hors-la-loi. On devient tous suspects, on est tous des accusés qui ne méritent pas le respect, alors qu'on n'a rien fait. On bafoue notre dignité, il n'y a plus aucun respect, déraison et mensonge sont les mots qui vous rongent. À coup de manipulation et d'un soupçon de séduction, on nous plonge dans un faux songe, liberté, égalité, fraternité, où vous êtes-vous barré? De ces préjugés, il faut en finir, moi je veux croire en notre avenir, où tous nous serons à l'honneur, ensemble, quelle que soit notre couleur, black, blanc, beurre, seront les étoiles de notre drapeau, raciste demain, on aura votre peau. Victor. Numéro 16. Si ta voisine s'exclame très fort, c'est qu'elle n'a pas bien entendu, son petit chéri qui a beaucoup bu lui expliquer qu'elle avait tort. Si elle a du bleu sur le corps, c'est qu'elle a joué dans la peinture, avec son jeune bébé Arthur, qui pousse des cris encore plus forts. Son mari revient demain, mais elle n'ose même pas y penser. Quand il la prend par la main, ce n'est pas pour la faire danser. Pourtant, près de lui, elle se couche, oubliant les insultes farouches. Cependant, elle se dit qu'elle l'aime, pensant que tout reviendra flegme. Aujourd'hui est un jour spécial. Il lui offre de jolies fleurs. En effet, puisqu'elle se meurt, c'est le jour de ses funérailles. Chloé. Numéro 17. Tous égaux. Je me revois enfant dans la cour de récré. Pas d'enfants noirs, arabes, asiatiques ou blancs. Que des enfants, des humains, des êtres vivants. Pourquoi aujourd'hui cela a-t-il tant changé? L'homme doit changer sa vision des différences, car je sais qu'à force de croire et à en vouloir, je finirai par le voir, ce fameux miroir. Ce rêve utopique, pourtant si magnifique. Unissez-vous contre le mauvais coup des fous, donnez tout, engagez-vous, on arrive au bout. Construire le temps passé qu'ils ont tous détruit, la haine produite, ne pas la laisser vous envahir. Adulte, vous l'êtes? Intelligent, l'êtes-vous? Différenciez donc télé et réalité. Arrêtez de laisser les autres de penser pour vous. Ceci conclut donc notre combat de toujours. Donnez tout, engagez-vous. On est arrivé au bout. Nous pourrions donc vivre en paix tous les jours. Donc unissez-vous contre le mauvais coup des fous. Alex. Numéro 18. La différence. Depuis tout ce temps, l'homme a peur de ce qui est différent. Il ne sait pas que tout le monde est humain et ce que nous avons de points communs. Il s'arrête à la couleur de peau parce qu'il a peur de ce qui est nouveau. Il ne voit pas que la diversité est un cadeau et le racisme une erreur du cerveau. L'homme classe les gens dans des catégories en fonction de leur ethnie. Oui, depuis tout ce temps, l'homme a toujours peur de ce qui est différent. J'ai juste un dégoût immense pour ces hommes sans tolérance qui, depuis tout ce temps, ont encore peur de ce qui est différent. Ils traitent mal les étrangers car ils se sentent attaqués alors que la seule chose à faire, c'est se souvenir qu'ils sont humains comme tout le monde sur Terre, tous frères. La mienne. Numéro 19. Chaque matin, tu l'observes. Cet homme à tes côtés, tu ne l'as jamais aimé. Mais aucun choix permis, c'était un mariage arrangé. Rêve et projet envolé. Tu finis femme au foyer. Chaque matin, tu l'observes. Tes parents te disent, c'est une bonne affaire, c'est ce qui leur est dû. Estime-toi heureuse, t'es pas battue. Mais même s'il ne te frappe pas, il laisse des traces indélébiles en toi. Sexuellement parlant, dès qu'il te touche, tu serres les dents et attends son achèvement. Il voudrait que tu portes son héritier, et c'est à cela qu'il va s'acharner. Sinon, ta belle famille va te répudier. Alors, aux réunions de famille, fais semblant de l'aimer, et tu t'imagines que tout est parfait. Margot. Numéro 20. La connerie humaine. Il y a 200 000 ans, l'homme est apparu, tout petit, tout nu et pas mature. Avec le temps, il évolue. Mais c'est une erreur dans la nature. Souvent, il pille, il viole et tue. Avec le temps, il évolue. Aujourd'hui, il gaspille et pollue. Chercher à comprendre les lois de l'univers, arriver à circuler dans l'air, faire des trous dans l'atmosphère, inventer la guerre et se la faire. Le con, il en est fier. Ça, il sait y faire. Contrairement à Voltaire, les hommes ne sont pas des lumières. Il y a 200 000 ans, l'homme est apparu, détruisant tout sur son passage, dans sa tête, un seul message. Tout m'appartient ou je fais un carnage. Le con, il en est fier. Ça, il sait y faire. Contrairement à Voltaire, les hommes ne sont pas des lumières. Va faire confiance à son espèce, capturer les animaux pour quelques pièces, ratisser les murs pour sa bouillabaisse, tuer les animaux qu'il dépèce, c'est à ces choses-là qu'il s'abaisse. Le con, il en est fier. Ça, il sait y faire. Contrairement à Voltaire, les hommes ne sont pas des lumières. Il y a 200 000 ans, l'homme est apparu. Et malgré quelques belles actions, les grands calculs, les inventions, les œuvres d'art, l'éducation, pour se sauver de l'extinction, il n'a toujours pas trouvé la solution. Pas de quoi en être fier. Dans moins d'un millénaire, il aura réussi à tout foutre en l'air. Thibaut. Numéro 21. Petites innocentes et pourtant si certaines, ses mains d'une lenteur ardente parcourent mon haine, lissées jusqu'à mon arrivée transpirant, depuis peu d'une passion dévorante. Ma main dans ses cheveux, ses courbes rallument mon corps, la finesse de ses pépites d'or, l'illégale ardeur nous accompagne. Nos âmes, mon diable, battent à la campagne. Ma jeunesse embrasée était bonne à marier. Son corps, peu bronzé, marqué des traces de mes mains, m'encourage une nouvelle fois à venir contre terrain. Faire s'embraser ses seins, la prendre par le crin. C'était Mathieu. Numéro 22. Un vol du cœur. Pourquoi me cacher, taire mes simples pensées ? Enfermée dans cette société formatée, je ne peux laisser mon cœur aimer à son gré. Il doit suivre le chemin tout tracé ? Je hurle non et crache sur cette triste vie, jusqu'en son nom au plus profond de ma nuit. C'est une maladie, une déviance, c'est une honte, une tare de l'enfance. Cette seule voix t'est familière, tu désespères de l'avouer à ton père. Je hurle non et crache sur cette triste vie, je scande son nom au plus profond de ma nuit. Grand, beau, intelligent, que lui reprocher? Annoncer papa, c'est sur lui que j'ai craqué. Seul défaut, comme moi, il est fils d'Adam. Nous ne pourrons te faire d'enfant. Je hurle non et crache sur cette triste vie, je scande son nom au plus profond de ma nuit. Oui, moi, Louis, je suis amoureux de Guy. Je hurle non et crache sur cette triste vie, je scande son nom au plus profond de ma nuit. Car oui, homosexuel, définitivement, je suis. Jeanne Bertrand. C'était le dernier texte de la deuxième émission de l'Action Slam. Vous pouvez voter pour votre texte favori en nous donnant son numéro à slam@radiogemozo.eu. slam@radiogemozo.eu. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également participer en nous envoyant vos slams oraux ou écrits sur le thème de votre choix. À bientôt pour la suite. J'ai